Ce soir, à l'aérospatiale, un retour sur l'été avec Louane Bourdeau et Andréane Lesage, un survol de la rentrée artistique à Québec, la revue de presse en arts visuels et la chronique de Simon Roy. Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine en art visuel sur les ondes de CKRL. Audrey Caro avec vous au micro pour cette nouvelle saison, très fébrile et très heureuse aussi d'être de retour en ondes avec cette émission qui me passionne, bien sûr, et je remercie ardemment CKRL d'avoir encore une fois pour plus d'une, je pense, on est rendu à la 11e édition de cette émission-là. Donc, très heureuse de pouvoir poursuivre cette tradition de parler d'art visuel à la radio. Hein, c'est quelque chose dont on ne parle que très peu, mais qui nous fait extrêmement plaisir de partager avec vous et aussi de vous faire découvrir les arts visuels. Hein, parce que c'est ça, c'est de voir les arts visuels au travers de la ville de Québec et bien sûr dans les alentours aussi lorsqu'il y a des événements fort intéressants qui sont là. Comme l'an dernier, je serai accompagnée de ma comparse Gentiane La France, mais qui, un peu à l'image de l'an dernier, sera là pour la deuxième moitié de la saison, donc dès le mois de janvier. Donc, j'aurai le plaisir de vous accompagner au courant de l'automne. Peut-être pour vous dire aussi qu'est-ce qui nous attend durant cette saison, hein, parce qu'on a bien sûr des éléments qui reviennent, comme notre couverture des expositions, des événements en art visuel à Québec, nos entrevues avec les artistes, nos dossiers aussi qu'on fait une fois par saison, avec des invités du milieu sur des sujets bien précis et des tables rondes. Notre revue de presse aussi bimensuelle, la sélection musicale avec Simon Roy, à qui on va parler dans quelques instants. Mais il faut dire qu'on a quelques nouveautés cette année. Donc, vous avez entendu probablement déjà le nouveau thème musical. On s'est dit, ah ben tiens, pourquoi pas avec cette nouvelle année entamée avoir une nouvelle signature audio, bien sûr. Également, on va se permettre au courant de la saison d'avoir des chroniques allongées, donc où on va prendre plus de temps pour vous parler justement d'événements ou d'expositions qui attirent notre attention. Et on va avoir aussi quelques nouveaux chroniqueurs qui se joignent à l'équipe, mais bien sûr des voix dont vous aurez entendu. On aura le plaisir de les découvrir tout au long de la saison. Sinon, on a aussi, bien sûr, une nouvelle image visuelle. Vous vous souvenez peut-être l'an dernier qu'on s'était donné comme mandat de soutenir le travail des artistes de la Ville de Québec, de le mettre en valeur avec l'émission. Donc, autant sur notre page web que sur notre page Facebook, vous pouvez trouver cette nouvelle image visuelle qui a été réalisée par Olivier Roberge et qu'on aura en entretien probablement dans les semaines à venir ici. Donc, une très belle image visuelle qui revisite bien sûr notre petit astronaute qu'on s'était donné là, avec Fanny Hénon-Lévy et Andréane Gagnon à la saison dernière. Sinon, une nouveauté assez intéressante, on va avoir un lien avec une autre émission de CKRL qui est diffusée le dimanche soir, La Croche-Oreille. On va avoir des capsules en lien avec de l'art audio, bien sûr, qui est diffusé à La Croche-Oreille, mais Avatar également aussi, ce centre d'artistes dédié à l'art audio et électronique. On va avoir le plaisir de recevoir la semaine prochaine dans le fond, l'animateur Gaétan Gosselin de cette émission-là et Caroline Gagné de chez Avatar, donc directrice artistique, qui vont venir nous parler davantage de cette belle collaboration qu'on va avoir avec La Croche-Oreille et Avatar. Sinon, vous dire aussi qu'on a implanté un Instagram, parce qu'on s'est dit, bien sûr, c'est art visuel, Instagram va de soi, mais ça va vous permettre de suivre aussi en dehors de l'émission, donc de voir davantage en images, à la fois des images d'exposition, de vernissage, lancement des œuvres aussi vues par hasard sur la rue par nos collaborateurs, mais aussi des images de nos rencontres en studio, donc vous pouvez suivre avec le mot l'aérospatiale. Et pour terminer, on va aussi également offrir de temps à autre des micros, un micro ouvert aux artistes pour qu'ils viennent nous parler d'un sujet qui, comment dire, les intéresse, les fascine, nous présenter des artistes qui les ont influencés, sinon parler de choses qui les chicotent ou enfin leur donner la parole parce qu'on trouve très important de laisser la parole aux artistes aussi lors de cette émission. Alors voilà, peut-être vous rappeler aussi que vous pouvez nous suivre donc bien sûr via notre page Facebook, mais aussi notre page web l'aérospatialecrl.wordpress.com. Donc il va y avoir aussi des billets qui vont être publiés par nos collaborateurs tout au long de la saison. Ça vaut vraiment la peine de suivre. Mais dans les choses qui perdurent depuis longtemps, mais qu'on tient à garder à l'émission, c'est bien sûr notre collaboration avec Simon Roy. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Alors, toi, ça fait longtemps, je pense qu'on s'en était parlé l'an passé, là, mais je pense que ça fait longtemps que t'es... Est-ce que c'est depuis le début que tu fais les chroniques? Depuis 2011, c'était quand c'était Julie Gagnon qui avait repris le flambeau. Ouais, ouais. Donc, j'avais débuté ça à ce moment-là, puis on faisait plus dans l'art audio. Donc, okay. Je suis content de voir que la croche-oreille va participer. Donc, c'est audio, pas toujours beaucoup de place sur les ondes, donc une place de plus, ça va être merveilleux. Oui, vraiment, on était super contents aussi d'avoir cette collaboration-là, parce qu'à un moment donné, on n'était pas trop sûr si la croche-oreille allait revenir, donc on s'était dit, ben au moins on peut laisser une place, mais là, deux fois plutôt qu'une, ben c'est oui, encore c'est plus ça, intéressant. C'est mes voisins le dimanche aussi, donc je suis vraiment content qu'ils participent à l'aérospatiale. Bon, mais c'est super. Alors Simon, comme depuis finalement 5 ans, tu nous présente différentes sélections audio à chaque semaine. Donc là, tu parlais un peu plus art audio, mais nous, on t'avait donné un mandat un petit peu différent l'an dernier. Oui, c'est ça. Bien, je sors un peu du créneau art audio, puis c'est des sélections. C'est toujours dans le monde du net audio. Par contre, c'est des trucs qui sont téléchargeables gratuitement. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Donc, cette semaine, ben, j'ai un album qui nous vient de l'Espagne. C'est sur l'étiquette Label Net Label. C'est une étiquette vraiment intéressante. Mm-hmm. Ils sont souvent dans des trucs un peu folk, un peu électronique. Des fois, les deux en même temps. C'est le cas pour l'album que je voulais présenter ce soir. C'est deux artistes qui se sont mis ensemble pour faire un peu de musique. C'est ça. Donc, beaucoup de guitare, musique électronique au travers, un peu aux accents folktronica, donc ça peut être ambiant. Il y a des trucs quand même assez drôles, j'aime bien leur sens de l'humour. C'est donc Cuarto et Indio Sin Gracia, donc comme je disais, de l'Espagne. C'est leur album Krillin Split. C'est ça. Ce qui m'a attiré, c'était vraiment un mélange guitare et musique électronique. Souvent, le folk va toujours se cantonner dans un truc et l'électronique aussi, mais là, c'est un beau mariage. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai bien aimé leur sens de l'humour. Un peu, des fois, il y a des flûtes à bec un peu stridentes. Ça fait peut-être enfantin par moment. C'est un album à découvrir. Super. Et puis, il faut rappeler aux auditeurs que toutes les sélections audio aussi sont disponible sur la page de l'aérospatiale. Oui. Et je pense que tu voulais aussi peut-être mettre de temps à autre les images, les pochettes. Oui, c'est ça. Également. On va essayer de faire un peu plus dans le visuel cette année, je pense. Donc, on va rajouter les pochettes. Les auditeurs vont pouvoir consulter la page pour télécharger les albums de façon gratuite. Ben, c'est super. Merci, Simon, d'être encore parmi nous cette année et nous faire ces propositions-là. Puis, tu auras l'occasion de venir aussi nous faire des petites présentations ponctuelles comme ça. Ça, là, de présenter les artistes de la sélection plus souvent. Fait que ça, on est très heureux de pouvoir t'avoir à l'émission, justement, en vrai. tout le plaisir est pour moi. Parfait. Donc, justement, on va aller écouter ce premier extrait donc de Cuarto, Intro Sin Gracia. Voilà. Thank you. De retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL et on va entamer donc une petite portion revue de presse. Hein. Bien sûr, à toutes les deux semaines, on vous parle de d'actualités, bien sûr, qui retiennent notre attention. Eh bien, la première aujourd'hui, c'était de vous dire que la Foire en art actuel de Québec s'est trouvée un nouveau commissaire, donc pour sa quatrième édition, qui va se tenir du 24 au 27 novembre prochain. Donc, on le sait, la Foire en art actuel, c'est cet événement qui regroupe des artistes non représentés en galerie et qui présentent leurs œuvres non pas de façon individuelle dans des petits kiosques, mais plutôt dans une mise en espace qui reprend le mode d'une exposition collective. Et bien sûr, ça a lieu depuis les tout débuts, la première édition, donc à l'œil de poisson, au centre artiste de poisson, mais cette année, une autre nouveauté, eh bien, vu qui est le voisin de l'œil, finalement, va embarquer dans l'aventure et ouvre ses espaces à la Foire en art actuel. Et voilà, pour bien sûr et augmenter de façon assez significative, bien sûr, le nombre d'œuvres, mais l'espace aussi de diffusion de cet événement. Donc, on aura bien sûr le plaisir d'en reparler, mais peut-être glisser un mot sur le commissaire, Emmanuel Galland, qui est un artiste et commissaire indépendant montréalais. Donc, depuis 20 ans, il a conçu diverses expositions, dont la plus récente, Peut mieux faire, cahier d'exercice qu'on avait vu présenter ici à Québec, justement, à l'œil de poisson, il y a quelques années déjà. Mais à vrai dire, il faut dire que c'est une exposition qui est itinérante, qui s'est promenée dans 11 lieux de diffusion au travers le Québec, et ce, depuis 2009. C'est aussi un personnage qui a été beaucoup impliqué dans différentes causes et organismes, en particulier chez Clark à Montréal, un autre centre d'artistes, et à Mutec. Donc, le dévoilement de la programmation complète se fera au cours de l'automne. Donc, on vous tient au courant. Sinon, vous dire qu'il y avait lieu cet été, donc du 29 juillet au 28 août, la 34e édition du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, un événement qui a été fort couru cette année. Plus de 11 000 visiteurs ont franchi les portes de l'aréna de Baie-Saint-Paul. Et il faut dire que cette année, il y avait aussi un prix remis, commandité par le Casino de Charlevoix, un prix coup de cœur du public, et il a été remis à l'artiste de Québec, Samuel Breton. Donc, un personnage qu'on a eu en entrevue l'an dernier lors de l'automne, voilà, il avait exposé à la bande vidéo. Donc, il a remporté la faveur du public et s'est vu octroyer tout de même une bourse de 2 000 $. Alors, bravo à Samuel pour avoir conquis le cœur des visiteurs cette journée-là. Peut-être rappeler toutefois aux artistes que la 35e édition est déjà en préparation et que vous pouvez soumettre jusqu'à la mi-septembre un projet qui s'inspire du thème qu'a préparé la directrice artistique Marie Perrault. Et ce sera sous le thème « Passer au présent, inventer demain ». Et une dernière nouvelle, les passages insolites. Vous savez, cette exposition d'art public qui se trouve dans le Vieux-Port et aussi le quartier Petit-Champlain là, depuis maintenant 3 étés, eh bien, s'exporte. 4 œuvres des éditions précédentes, donc de 2014 et 2015, ont élu domicile pour 2 ans à Gatineau et Ottawa. Donc, si des fois vous passez par là-bas et que vous n'auriez pas vu ces œuvres-là, ben ça va être le temps d'aller aller les voir. Donc, une belle façon de mettre en valeur, bien sûr, cette exposition des passages insolites, mais aussi du mandat de Ex-Muro, bien sûr, qui s'occupe de cet événement-là, nous disait Vincent Roy, le directeur général. Et il faut savoir, donc, que les quatre œuvres retenues, eh bien, de celles-là, on a notamment celle de Diane Landry en collaboration avec Francis Labissonnière, solitaire, hein, qui prenait la forme d'un grand clocher, d'un fusée ou d'un tipi qui avait été installé dans la cour Jeanne d'Arc de la rue York, mais également aussi celle, le point de basculement de José-Louis Torres, qui était un grand amoncellement d'objets de plastique colorés qu'on avait greffés à la façade de la cour Clarendon. Sinon, du côté de Gatineau, ça c'était côté de Ottawa, donc à Gatineau, on a Quiproquo Monumental de Francis Montillo, donc trois sculptures absurdes qui rejouent les codes des statues en hommage aux grands hommes. Et on a aussi, bien sûr, celle qui est, peut-être que vous avez déjà vu ou vu du moins en photo, l'Odyssée de Cook Sasseville, ces fameux pigeons qui sont posés sur et autour une canne de tomates Campbell, de soupe aux tomates Campbell, donc qui se trouveront tout près du pont Alexandra. Donc, elles vont y demeurer jusqu'en mai 2018. Donc, une belle visibilité pour nos artistes ici et pour à la fois la Ville de Québec et Ex-Muro, comme je le disais. Alors voilà pour quelques nouvelles en vrac. On va aller en pause audio rapidement. On va écouter Arco's Email de Quarto, toujours. Je suis en compagnie de Louane Bourdeau et Andréane Lesage. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, on avait envie, pour cette première de l'émission, de faire un bref retour un peu sur des événements artistiques de l'été qui nous avaient accrochés. Donc, on en a choisi chacune un. Et quand même, ça va permettre de voir un petit peu des aspects différents de ce qui s'est passé en art visuel cet été. On pourrait peut-être commencer avec toi, Louane. Oui. Tu avais envie de nous parler de Humanorium qui a été présenté par Ex-Muro. Hein? Exactement, par Ex-Muro, qu'on connaît bien maintenant par leur passage insolite qui reviennent d'année en année. Mais cette année, Ex-Muro nous a aussi présenté un nouveau projet, donc Humanorium, qui a été présenté du 30 juillet au 7 août. C'était juste à côté du Musée des Beaux-Arts, donc dans l'espèce de petit parc à côté. C'était donc, pour ceux qui ne sont pas allés, c'était une fête foraine. Donc, il y avait vraiment des kiosques, des petits stands où on retrouvait toutes les grand hit, si on veut, d'une fête foraine. Donc, on avait les manèges, on avait les cabinets des curiosités, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il n'y a pas quelque chose aussi avec les hommes forts, là, où Ou pas les hommes, hommes forts. Pas les hommes forts, mais attends un peu. Des hommes, en tout cas, des espèces d'hommes étranges, là. Oui, ben il y avait, c'est ça, il y avait dans une des, justement, dans un des cabinets des curiosités, il y avait une œuvre de Louis Fortier, entre autres. Donc, c'était des espèces de visages qui étaient un peu comme ça, déformés. Ouais. Il y avait aussi, donc, en fait, c'est ça. Chaque... C'est ça, ces personnages étranges de fêtes foraines. Oui, exactement, peu, exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis chaque, dans le fond, chaque kiosque, chaque petite présentation était faite par différents artistes en art actuel. Donc, on avait le carrousel de BGL, qui était sans doute la figure centrale, donc la plus imposante. Donc, un carrousel fait, entre autres, de paniers d'épicerie et de clôtures métalliques. Donc, on pouvait justement faire le manège. Il y avait... j'ai l'impression que les bénévoles à Humanorium ont couru bien des kilomètres autour de ce manège. Ils sont mis en forme. Oui, tout à fait. On avait aussi donc un autre cabinet des curiosités, mis à part celui de Louis Fortier, aussi un autre de Gino Quentin. On avait le bouclier magique, donc une installation de Diane Landry avec un lit des clés qui faisaient comme une espèce de carillon. Il y avait aussi Lady McBoot, donc en fait c'était un kiosque dans lequel on pouvait aller se faire tirer notre avenir, donc tirer aux cartes. Ah, oui, oui, donc oui. Il y avait vraiment, il y en avait pour tous les goûts. Puis c'était organisé de 13h à 23h tous les jours. Donc si on y allait durant la journée avec les enfants, il y avait vraiment une ambiance disons plus festive, mais quand on y allait le soir, juste le fait qu'on était dans le noir, que là ça prenait comme une tournure complètement différente, qui est un peu plus étrange, mystérieuse, peut-être même épeurante parfois. Donc c'était vraiment j'ai trouvé que c'était un événement qui était super, d'autant plus que c'était présenté dans un parc, donc les gens se promenaient, allaient voir presque par hasard, donc ça a vraiment, j'ai l'impression que ça a dû faire découvrir à bien des gens ce qui pouvait se faire en heure actuelle ces temps-ci. Oui, puis une belle alternative à un Expo Québec qui était plus là, mais tout à fait. Qu'on n'est pas dans le manège, mais quand même, reste que ça restait dans cet esprit-là, oui. Donc vraiment assez agréable. Merci. Ben, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Ben non, mais c'est je... bon. Parfait. Allez-y. Alors, Andréane, toi, de ton côté, c'était bien sûr ce qui a marqué un peu l'été à Québec, en art visuel, oui. Le pavillon La Sonde. Oui, la grande ouverture du pavillon La Sonde, premier pavillon du Musée national des beaux-arts du Québec à se consacrer entièrement à l'art contemporain et à des expositions aussi temporaires. Donc, il faut dire qu'il va y avoir une offre renouvelée là, à chaque saison d'expositions qui vont nous venir de l'extérieur. Pour l'instant aussi, j'aurai peut-être l'occasion de vous parler un peu de l'exposition inaugurale, Installation, qui est très appréciée du grand public. Beaucoup de commentaires positifs qui reviennent sur cette cette exposition-là d'installation qui est d'ailleurs très actuelle. Donc, c'est assez surprenant de voir comment le grand public réagit très bien justement à des œuvres qui sont assez originales. Bon, on n'est pas habitué de voir ça dans les musées. Alors, c'est quand même une bonne partie de ce programme d'ouverture-là. C'est ça, c'était pas... on n'avait pas non plus beaucoup d'offres sur le plan de l'art actuel ou du moins, des fois, c'était pas ça qui était mis de l'avant par la programmation du musée. Là, autre, je me rappelle, en 2008, là, avec c'est arrivé près de chez vous. Là, ça, c'était vraiment voulu. Mais quand même, des fois, ces petites expos-là d'art actuel pouvaient passer un peu en douce. Mais là, c'était intéressant qu'il y ait en effet une expo signature, si on peut dire, d'ouverture. Là. Oui, ouais, qui annonce aussi assez bien, justement, toute la mission de ce nouveau pavillon-là. Exact. Comme je disais, entièrement consacré à l'art contemporain. Donc, trois nouvelles salles permanentes. La collection d'art inouï de Brousseau. Donc, on oublie parfois que ces sculptures-là, ce sont des sculptures contemporaines, donc réalisées après les années 50. Également, pour une première, une salle permanente de design et donc d'art décoratif. Alors ça aussi, c'est quand même des objets qui ont été réalisés après les années 50. Donc encore du design très actuel, design industriel, graphisme, tout se mélange. Et finalement, il y a évidemment la salle d'art contemporain québécois, donc qui couvre des années 60 à presque aujourd'hui et qui présente finalement les noms incontournables de notre histoire de l'art bien locale à nous. Des noms aussi d'ailleurs d'artistes d'ici, de Québec, hein, il faut souligner, bon, Diane Landry, on a, bon, BGL aussi, qui a une œuvre dans cette exposition permanente-là, Claudie Gagnon, oui. Donc vraiment... Notre figure très importante, là, oui. Tout à fait. Donc, ça a été finalement un événement marquant. 3 jours de festivités gratuites, les 24, 25, 26 juin. On dénombre près de 35 000 personnes durant ces 3 jours-là. Donc, c'est énorme, oui. Pour avoir été là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Quand on arrive le matin à 10 heures et qu'on voit des fils qui vont presque aux anciens pavillons, c'était assez impressionnant à voir. Oui, je me rappelle. Moi, j'avais été faire un petit tour là, de repérage là, le 24, justement, à l'ouverture, là, puis c'était quand même impressionnant. C'était le fun de voir que les gens s'appropriaient aussi ce lieu-là. Puis je pense que aussi, c'est sûr, un lancement, c'est toujours susceptible d'attirer les curieux, mais je pense bien que ça va peut-être amener une clientèle qui n'allait peut-être pas au musée aussi souvent, mais peut-être les inciter à venir de plus en plus, ou en tout cas de venir de façon un peu plus récurrente également. Donc, puis pour ceux qui aimaient déjà le musée, ben je pense que c'est une grosse plus-value, là, aussi. Tout à fait. Mais c'est quand même une mission, l'art actuel, contemporain, qui accroche beaucoup les jeunes. Donc, je pense que le musée va réussir à renouveler un peu son public comme ça, le âge cégep universitaire, disons que c'est plus motivant de venir justement quand il y a des expositions comme ça, qui montrent qu'on peut aussi travailler dans ce milieu-là finalement, puis créer, tu sais, puis que nos œuvres soient représentées par des grandes institutions. Donc c'est important. Mm-hmm. Puis en même temps aussi, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a les gens qui étaient peut-être sont plus portés vers de l'art qui est justement peut-être plus classique ou traditionnel, ben là, oser justement aller voir les installations, oser être déstabilisés aussi par ce type d'œuvre-là. Donc, c'est pas nécessairement un nouveau public qui va aller au musée, mais c'est un public aussi qui va s'intéresser à de nouvelles choses. Donc ça, je trouve que c'est super aussi. L'ouverture, c'est exactement. Ça. Exactement. Mm-hmm. Ben, en tout cas, c'est très intéressant, mais on va poursuivre, je pense, la discussion de l'autre côté de la pause publicitaire pour que je vous présente l'événement qui a retenu mon attention, mais aussi on va faire un survol aussi de la rentrée artistique à Québec. Donc, on s'en va en pause publicitaire et on vous revient dans quelques minutes. CKRL 89.1. L'aérospatiale vous est présentée en collaboration avec la revue Inter, le magazine en art actuel. De retour pour cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale, votre magazine en art visuel à Québec. Donc, on poursuit très rapidement, juste pour terminer notre premier segment de la fin de la première moitié de l'émission. Donc, Louane, tu nous avais parlé d'Humanorium. Andréane, tu nous parlais du Pavillon Lassalle. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, que j'ai eu le plaisir de visiter cet été, c'est le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est comme un classique pour moi. J'essaie d'y aller à chaque été, toujours pendant le mois d'août, finalement, qu'on peut aller voir. Mais c'est un événement assez intéressant où on peut rencontrer des artistes qui créent sur place. C'est sûr que pour les artistes, c'est pas toujours évident, là, on se le cachera pas, là, de pouvoir créer, mais en même temps, c'est une belle façon de, je trouve, de démocratiser l'art contemporain, puis d'amener les gens à mieux peut-être comprendre ça. Par contre, il faut oser être curieux dans cet événement-là, puis d'accrocher les artistes, de les questionner justement sur le travail qu'ils vont nous présenter, parce que généralement, il y a une thématique et dans le fond, la commissaire Marie Perrault avait une thématique intitulée « Mobilité », mais à chaque... C'est un mandat de 3 ans, donc il y a un thème un petit peu, là, une variante dans le fond de ce thème-là qui est présenté. Et cette année, ce qui m'avait accroché aussi, c'est le fait qu'il y avait plusieurs artistes de Québec qui étaient présentés là, ou des artistes qu'on avait vus passer par Québec, si c'est pas cette année, dans les dernières années. On peut penser ces artistes-là qui sont passés à Québec, à Patrick Beaulieu, qu'on avait vu pendant le mois multi l'an dernier. Frédéric Cordier, on l'avait vu aussi à Engram en première moitié, là, à l'automne, je pense. Mais également aussi Guillaume Adjuteur-Provost, qui était de Québec, mais là, qui a migré vers la grande ville, vers Montréal également aussi. Mais les artistes de Québec, on avait Camille Bernard-Gravel, Evelyne Boulevard et Samuel Breton, dont je disais tout à l'heure, qui a remporté le prix coup de cœur du public. Donc, chacun comme un peu son kiosque, si on peut dire, où il va réaliser une œuvre là, pendant la durée de l'événement, donc le mois qui est là, et on peut discuter avec eux, tout simplement, parler de leur travail en général, qu'est-ce qu'ils font, puis c'est intéressant parce qu'à chaque fois que j'y vais, à la fois, il y a un public de connaisseurs, on peut dire, ceux des gens du milieu qui viennent voir, des artistes aussi de toutes les sortes, mais beaucoup de visiteurs, de curieux qui, parfois même, n'ont jamais eu de contact avec l'art contemporain, puis c'est beau à voir aussi cette rencontre-là. Puis il y avait des projets assez variés aussi d'un artiste à l'autre, autant des projets qui sont intéressés, si on peut dire, à la vidéo, d'autres ont à la peinture, des choses plus classiques, d'autres qui avaient une vocation un peu plus sociale, communautaire, même un qui était une, c'est celle-là de Patrick Beaulieu, moi j'ai trouvé ça assez drôle, qui s'est promené avec un genre de petit campeur là, dans Baie-Saint-Paul pour demander la route vers des choses qui finalement n'existaient pas, mais qui avaient quelque chose de très poétique, comme par exemple le sentier des draveurs, où est-ce que je peux trouver ça, ou telle la rue du cœur, ou enfin il y avait quelque chose de super poétique. Puis là, les gens étaient comme attends un peu, puis ils se creusaient la tête, puis c'était assez rigolo de voir la réaction des gens là. Ils les avaient filmés aussi, mais on les reconnaissait pas, ces gens là mais quand même c'était assez drôle de voir comment les gens se creusaient le coco vraiment pour aider la artiste, puis sinon aller jusqu'à référer à un vieux monsieur, c'est ça, un vieux monsieur du village. Alors, je pense que lui, il saurait, mais tu sais, aussi des rencontres émotives qu'il me disait. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, ces projets-là qui sont incrustés dans la communauté, ou même une autre artiste française qui, elle, a fait un parcours sonore avec la participation de résidents dans une rue également. En tout cas, c'était assez intéressant là, que s'est passé un samedi soir là, où on pouvait se balader comme visiteur sur la rue, mais qu'en même temps, il se passait, la musique émanait des maisons, des résidences, des gens. Donc, c'était quand même assez intéressant comme proposition, ce qu'elle avait fait. Donc, je vous invite grandement, si vous ne connaissez pas l'événement, à y aller. Puis en plus, ça, je veux dire, je pense qu'on demandait quoi, 3-4 $ à l'entrée, là. Fait que c'est ridicule. Ça vaut vraiment la peine pour découvrir puis se familiariser. Oui, puis aussi, comme ça dure un mois, on peut aussi voir la progression, si on a la chance d'aller plusieurs fois à Baie-Saint-Paul, voir la progression de chacun des projets au cours du mois. Donc, moi, je trouve qu'il y a ça aussi. Oui, exactement. C'est c'est ça la force aussi. Oui, qui est super intéressant à observer dans le travail des artistes. Puis bien, c'est pas très loin, hein? Une petite heure et quart, puis on est déjà rendu. Fait que pour aller un peu en même temps s'aérer l'esprit, c'est quand même plaisant. Donc, ben sur ces bonnes paroles de retour d'été, faut dire que cette semaine, on est vraiment en plein dans l'ouverture de la programmation artistique à Québec. En tout cas, gros événement qui commence, on peut dire, les expositions qui s'inaugurent. Mais on avait envie quand même de faire un petit tour de ce qui nous attend pour le mois de septembre. Puis si des fois aussi, il y a des événements qui ont attiré votre attention dans le calendrier, n'hésitez pas à le souligner, mesdames. On peut peut-être commencer justement, Louane, qu'est-ce qui nous attend notamment dans quelques galeries privées de Québec? Oui, mais en fait, présentement, dans la plupart des galeries, c'est encore les expositions collectives d'été. Donc, les galeries présentent vraiment le travail des artistes qu'ils représentent. C'est pas toutes les galeries encore qui ont annoncé les expositions à venir. Je peux vous parler par contre de Michel Guimont qui va présenter du 18 septembre au 19 octobre une exposition sur Marcel Ferron. Donc, en collaboration avec la succession de Marcel Ferron. Pionnière de l'art moderne au Québec. Tout à fait. Donc, vraiment une figure super importante. Donc, qui a vraiment œuvré du refus global jusqu'à l'aube des années 2000. Donc, on va présenter une trentaine d'œuvres, donc des toiles, mais surtout des œuvres sur papier de petit format, dont la plupart sont inédites. Et puis, donc, Marcel Ferron disait que dans ces œuvres-là, c'était comme une musique de chambre. Donc, c'est vraiment l'idée de l'inventivité dans les compositions et vraiment aussi la maîtrise du geste. Donc, avec une telle carrière, on peut supposer que de plus en plus, son geste était contrôlé, maîtrisé. Donc, une exposition qui va donc ouvrir très bientôt. Sinon, à la Galerie 3, il va y avoir une exposition d'Annie Baillargeon, donc du 23 septembre au 23 octobre. Je l'attends avec impatience, cette exposition. Je suis une grande fan d'Annie Baillargeon. Annie Baillargeon, donc, qui va là, combiner le photomontage numérique, le dessin et l'aquarelle. Donc, vraiment, le corps va servir de motif central pour ses œuvres. Annie Baillargeon, qui est aussi une artiste de performance, qui a fait partie des Fermières Obsédées, qui est maintenant membre du collectif Blush. Donc, encore une fois, une autre exposition qui est tout autre type d'art, mais qui vraiment risque d'être fort intéressante. Oui, puis il faut dire, dans sa photographie, c'est de la photographie performance. Oui, c'est oui, ça, tout parce à fait. Que c'est elle qui est, à vrai dire, son propre modèle, mais qu'on finalement, on ne la reconnaît jamais parce que soit un masque, les cheveux dans le visage ou ces choses-là. Mais moi, ce qui me fascine chez cet artiste, c'est ce rapport entre la beauté et l'horreur un peu, vraiment, cette contradiction-là. À la fois, c'est beau, mais quand on se rapproche, puis on regarde ça de plus près, c'est déroutant, assez... déroutant, inquiétant. Des fois, ça peut être, excusez l'expression, mais un peu trash, là, aussi. Puis c'est ce que j'aime, puis je trouve que ça exprime aussi une certaine féminité, mais pas la féminité là à laquelle on s'attend ou que les publicitaires peuvent nous présenter, mais des fois, quelque chose de plus viscéral, on va dire. Super. Et puis sinon, outre ça, c'est vrai, je pense que... Je peux vous parler un petit peu des musées. Donc, au Musée des beaux-arts du Québec, il y a toujours installation, œuvre à grande échelle, donc l'exposition inaugurale, qui a en fait la particularité de... d'avoir une désinstallation, si on veut, progressive. Donc, en fait, il y a une première partie qui a déjà cessé se terminait hier, mais progressivement, donc, on pourra encore voir une certaine partie jusqu'au 8 janvier, une autre jusqu'au 19 février. Donc, c'est vraiment, les salles ferment peu à peu. Il va y avoir aussi des performances cet automne, ce sera à voir. Sinon, au Musée de l'Amérique francophone, il y a toujours l'exposition Les métiers d'art au Québec depuis 1930, qui est encore à l'affiche, donc qui est là depuis le printemps dernier. Oui, on avait d'ailleurs fait une chronique, je pense, avec toi. Non, c'était pas avec moi, Sais qu'on avait fait avec une de nos collaboratrices un petit retour, justement, sur cette exposition-là. Donc, vous pouvez aller réécouter la balado si Tout vous avez fait. Manqué. Super. Donc voilà, fait que ça fait déjà un petit tour des galeries privées et des musées. On va aller en pause audio, l'histoire de prendre notre souffle, et on va poursuivre au retour avec des centres d'artistes, mais aussi ces maisons un peu extrapolées du centre de Québec. Avec Andréane, on va regarder tout ça, donc on s'en va écouter Indiano el Cuarto de Cuarto. On poursuit donc notre survol de la rentrée artistique à Québec. Je me permets de souligner qu'il y a un gros événement ce vendredi 9 septembre, bien sûr à la coopérative Méduse. La majorité des centres d'artistes qui ont leurs espaces d'exposition vont ouvrir au public. Donc, vraiment une grosse soirée en perspective. Donc, ça vaut la peine de se déplacer. Hein. Au moins, on se déplace pas pour rien, mais il y a quand même 5 expositions à, même 6 à voir, parce que, notamment chez Engram, on va pouvoir découvrir Air de traite de Michel Boulanger, un artiste de Montréal, qui bien pratique le dessin, mais qui va pratiquer chez Engram une série d'expérimentations picturales et graphiques qui va investir le lieu. J'ai eu la chance d'aller jeter un petit coup d'œil pendant le montage, puis je vous dirais, je pense que ça va être assez intéressant, puis ça va nous amener une autre perspective d'Engram, parce que vraiment, l'artiste a peint même jusqu'au plafond certaines choses, donc il faut être attentif parce que le lieu devient en soi un travail graphique aussi, s'inclut dans ce qu'on va trouver sur les murs, donc quand même assez immersif. Je vous invite à aller voir si on continue en montant, parce que après ça, on tombe chez VU. Il faut dire que VU s'est donné une thématique cette année pour sa programmation 2016-2017, réfléchir ensemble. Donc, pour réfléchir à l'art comme une occasion de se rassembler, mais aussi de joindre ou de confronter des images et des idées. Donc, ça va être assez intéressant. Et l'exposition d'ouverture qui commence bien sûr aussi ce vendredi s'intitule Ensemble, qui est une exposition collective, si on peut dire, préparée, imaginée par Anne-Marie Proux, une des directrices du centre, où on va pouvoir voir dans les deux espaces américains ou européens plusieurs artistes, dont Charles-Étienne Brochu, Jacinthe Carrier, Charles Guibert et Nathalie Caron, Nadia Mir, Jean-François Prost, mais aussi le collectif Outrevie, qui réunit Raymond D'April et un groupe de recherche avec lequel elle travaille. Donc, vraiment bien hâte de voir cette proposition-là. Mais je sais qu'on m'avait parlé qu'il y avait peut-être des cartes postales impliquées là-dedans aussi. Fait que, enfin, ça a piqué ma curiosité, il faut le dire. Sinon, à l'œil de poisson, par la suite, il va y avoir François Mathieu, à qui on a donné carte blanche pour ouvrir la saison, et nous présente une très belle série de sculptures qui Dans le fond, on nous présente une sorte d'abécédaire autour d'une forme bien connue, la sphère. Dites même, ça a l'air pas si wow, mais honnêtement, j'ai eu le plaisir de suivre le montage de cette exposition-là et il y a des pièces vraiment magnifiques parce qu'il explore toutes les possibilités un peu du travail avec la sphère, mais autant avec la sculpture, avec la maquette, de toutes sortes de façons aussi, donc dans différentes matières également, parce que François Mathieu, c'est aussi l'amour de la matière, donc on va pouvoir découvrir tout ça, là, vraiment ça vaut la peine de voir toute la richesse de sa proposition. Et sinon, il y a aussi la murale qui va s'ouvrir, donc une murale qui est visible de la côte d'Abraham, donc Vincent Fournier, un jeune étudiant qui termine sous peu son baccalauréat en arts visuels, merci Laval, donc qui revisite le genre du paysage, mais avec un langage un peu BD, animation, internet et des couleurs assez vibrantes. Enfin, on pourra peut-être s'en reparler, c'est assez humoristique et ludique. Sinon, si on poursuit à Manif d'art, vous savez qu'il y a maintenant la vitrine, il expose des artistes de temps à autre, eh bien, va présenter le travail de Pascal Leblanc-Lavigne, et j'ai passé tout à l'heure devant, et en tout cas, il y a toutes sortes de petites machines, j'ai bien hâte de voir, là, j'en sais pas plus, ils en ont pas trop révélé, mais enfin, ça va être assez intéressant à découvrir dans la vitrine. Et sinon, il faut dire aussi qu'à la bande vidéo, c'est Justin Robert, une autre figure bien connue de Québec, qui présente Beluga, donc une vidéo expérimentale un peu dans la lignée de ce qu'il avait déjà présenté à vue l'an dernier, Blue Empire New York Babel Billboard, qui sont un assemblage de milliers d'images numériques glanées sur le web, mais qui vont, par leur mouvement, un peu nous faire penser, évoquer le déplacement des belugas. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner, tout ça. Et il faut dire aussi que les ateliers de la mezzanine, également au quatrième étage, il ne faut pas oublier d'aller les voir. Ils présentent, dans le fond, des œuvres des usagers, d'artistes usagers là, du lieu. Donc, des gens, il faut dire, à l'atelier de la mezzanine est spécialisé aussi dans l'art, si on peut dire, communautaire, vocation communautaire, où des gens avec des problèmes de santé mentale viennent pour créer dans les espaces. Donc, on va pouvoir découvrir ça au quatrième étage. Donc, ce vendredi 9 septembre, à compter de 17h jusqu'à très tard. Donc, si vous vous baladez dans le coin de Méduse, arrêtez à n'importe quelle heure, on va vous accueillir puis on va vous garder en haleine avec toutes ces belles expositions. Andréane, toi, qu'est-ce que tu voulais, de quel lieu voulais-tu nous parler? On peut peut-être commencer avec les maisons. Donc, je pense à la maison Amel Bruneau, mm-hmm. Qui a, en fait, en ce moment et jusqu'au 18 décembre, une exposition des œuvres de Riopel. Ça s'appelle Riopel au Cap Tourmente. Donc, c'est des œuvres qui ont été réalisées en 1983, pour la plupart donc des sérigraphies finalement qui représentent des oies. Alors on est dans la période plus figurative de Riopel, un thème qui va poursuivre d'ailleurs les oiseaux jusqu'à la fin. Exactement. Donc des œuvres que vous aurez peut-être le plaisir de redécouvrir. Je pense que c'est des œuvres qui sont assez connues. C'est un artiste incontournable aussi, bien évidemment. Sinon, au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, il y a une exposition d'un autre artiste peintre assez important, c'est Claude Simard. Ça s'appelle Peindre le bonheur. Donc, Claude Simard qui est décédé tout récemment en 2014. Alors, c'est une exposition rétrospective, en fait, qui lui rend hommage, qui permet de découvrir, toutes sortes de thèmes, que ce soit des paysages, des personnages, plutôt des toiles très colorées et joyeuses. Finalement, on a aussi à la Villa Bagatelle, du 27 septembre au 18 décembre, une exposition d'un peintre, Jean Soucy, donc qui sera peut-être à couvrir éventuellement, pour découvrir un peu plus qu'est-ce qui sera présent. Ils annoncent... On l'appelle, il y a un sous-titre à cette exposition. Oui, le peintre clandestin. Puis il y a aussi des documents d'archives, des artefacts qui font partie de cette exposition-là. Donc ça risque d'être intéressant. Je pense que ce sera une présentation de l'artiste pas juste de son œuvre, mais mm-hmm. de sa, aussi mm-hmm. sa vie, un peu tout ça. C'est assez intriguant, effectivement. Mm-hmm. Ouais. Sinon, peut-être rapidement passer pour les lieux d'exposition dans les écoles. On pense à Espace Parenthèse au cégep de Sainte-Foy. Oui. Donc, on a eu un vernissage tout récemment, le 1er septembre, de l'exposition Saveurs locales de Guylaine Renière. Donc, ça aura lieu, en fait, jusqu'au 11 septembre. C'est assez courte durée. Et peut-être aussi mentionner la Galerie des arts visuels. Oui, bien sûr. Donc, on a une exposition qui commence le 15 septembre et jusqu'au 23 octobre, qui est Adam Bergeron et Alain Parent. Donc, voilà, ça aussi. Oui, c'est toujours un duo d'habitude pour ouvrir la programmation. J'ai bien hâte de voir ce qu'Adam Bergeron fait dans la peinture. Oui. Et Alain Parent, Lisanne Nadeau, me disait aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le milieu des arts visuels à la base. C'est quelqu'un, si ma mémoire est bonne, dans le milieu médical, mais il fait un rapport entre sa pratique de médecin avec l'art aussi. Bien hâte de découvrir oui. qu'est-ce que ça va dire, ça aussi. Ça va être, pour moi, fort intéressant à la Galerie des arts visuels. Oui. Et peut-être, j'avais oublié, mais qui sort un peu de ce contexte scolaire-là, on a Pêche Sherpa aussi. Donc, une exposition jusqu'au 4 octobre, c'est Odette Ducasse, Feuilles de nuit, collagraphie. Donc, en fait, c'est un mélange de collage, de photographie, d'estampes, tout ça qu'elle utilise dans sa production. Super. Ben ça, il faut rappeler aux gens que c'est visible en tout temps. Hein. C'est oui. La vitrine, dans le fond, on la voit au travers de la vitrine sur le boulevard Charest, là, comme disaient les gens un peu plus avec un peu plus d'expérience, c'était anciennement en face de l'ancienne gare, là, qu'on disait l'ancienne gare où se trouvent maintenant les bureaux des syndicats. Là, donc, on peut aller voir ça sur le boulevard Charest. Super. Eh bien, moi, peut-être juste terminer en vrac en vous disant que au lieu, il va y avoir bien sûr les rencontres internationales d'art performance, donc la RIAP pour la 19e édition plutôt. On va en reparler la semaine prochaine, mais des artistes, bien sûr, un festival d'art performance où on va voir des artistes canadiens, péruviens, taïwanais, allemands, portugais et slovaques. Donc, on s'en reparle plus tard. Et sinon, faut pas oublier Regard aussi à Lévis, donc tout juste de l'autre côté du traversier, qui y va d'une exposition collective, 30e anniversaire, donc commissariée par Jeanne Couture, qui s'intitule « Comme un chien dans un jeu de quilles », qui va, donc oui, commémorer le 30e anniversaire et nous faire voir des œuvres de Jacques Sanson et Marianne Berlou, Guillaume Légaré, Patrick McFarlane, le collectif de la Dérive, Jean Coulombe et Hugo Nadeau. Donc ça, c'est à compter du 16 septembre prochain. Et sinon, Louane, aussi, il faut mentionner Materia. Oui, Materia qui présentera bientôt, en fait, l'exposition qui a été présentée à Brouage dans le cadre de Traversée des arts de Brouage, donc une exposition de métiers d'art qui a été présentée en France cet été, donc du 2 juillet au 31 août, et qui sera présentée à Materia, donc en textile et en céramique. Et le thème cette année, c'est à un fil de la terre, donc fil textile, terre céramique, ça oui. risque d'être un mélange assez intéressant encore une fois. Super. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir fait quand même ce survol assez exhaustif, là, si on peut dire, de ce qui va se passer cet automne. Mais comme on peut le constater, juste en septembre, ça grouille pas mal à Québec. Donc, à ne pas manquer. Et puis, chers auditeurs, si des fois vous avez manqué des noms, des dates d'exposition, n'hésitez pas à aller voir sur notre page web. On a dans la section actualité, tout est mentionné justement à cet endroit. Voilà, avec les dates, les lieux et les artistes qui présenteront leurs œuvres. Peut-être aussi, avant de terminer l'émission, parce que ça arrive déjà, la fin est déjà proche, mais il faut rappeler que dès ce soir aussi, va débuter la série documentaire « À tout hasard » sur les ondes de Ici Art TV. Vous vous souvenez peut-être qu'au printemps, on avait parlé avec Suzanne Guy, qui est la réalisatrice de ces 8 épisodes de 30 minutes qui traitent d'art public un peu partout, donc au Québec. On découvre dans ces 8 épisodes-là donc 16 artistes et leur œuvre, une œuvre qui peut être présentée soit à Sept-Îles, Montréal, Gaspé, Candiac, Rimouski, Wendake et plusieurs autres lieux au Québec. Donc vraiment une belle façon de découvrir les arts, l'art public, si on peut dire, sous toutes ses formes, et les créateurs qui en sont les créateurs de ces œuvres-là, pour mieux comprendre aussi comment ils ont pensé ou réfléchi ces œuvres qui se trouvent dans l'espace public, mais qui parfois on n'a pas toujours le contexte pour bien comprendre. Donc, au travers de cette série-là, on découvre Patrick Beaulieu, Yves Gendreau, Jean-Pierre Morin, bien sûr, une autre figure de Québec, Yéchelle Gagnon, Ludovic Bonnet, Fernande Forêt, Marc-Antoine Côté, Diane Landry, Pierre Blanchet, Lise Dabry, Michel Saunier, Sylvain Boutillette, Jean-Robert Douillard et José Penneau, Pierre Bourgault et Lali Douglas. Donc, bref, ça vaut la peine. C'est à tous les mardis à compter de ce soir, donc 19h, et en reprise le dimanche à 20h, donc sur les ondes d'ici Art TV. Vraiment, ça vaut la peine. Eh bien, avant de vous quitter, bien sûr, il faut que je vous remercie, mesdames, bien sûr, d'avoir été ici avec moi ce soir. Notre magicien des ondes, comme toujours, Jacques Gignac, qui est là à la mise en onde depuis tant d'années. Jean-Tiane Lafrance, qui me donne toujours un coup de main et qui nous écoute en direct de Matane. Et bien sûr, je vous invite à suivre, comme je vous disais, notre page web, notre page Facebook et maintenant notre compte Instagram. Donc, ça vaut la peine pour découvrir les arts visuels. Donc, restez à l'écoute, car tout de suite, après notre émission, suit Pierre Blais et son équipe pour parler cinéma avec l'émission Situation Critique. Nous, on se dit à mardi prochain. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'aérospatiale vous a été présentée par la revue Inter, le magazine en art actuel. Anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. L'Orchestre symphonique de Québec vous convie à 4 fabuleux rendez-vous dans le cadre de ses coups de foudre Hydro-Québec. Que ce soit le mariage éblouissant entre les arts du cirque et de la musique symphonique, une soirée en compagnie de Guy Saint-Onge et ses amis, un concert dédié aux plus grandes musiques de films d'aventure ou encore un hommage au légendaire groupe suédois ABBA. Découvrez l'OSQ autrement. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Les Têtes curieuses, l'école de vulgarisation du savoir et d'éducation populaire. Ici Éric Dussault, historien. Je vous attends les mercredis 21 et 28 septembre et les 5 et 12 octobre à 19h au Café l'Anarchique situé au 249 rue Saint-Jean. Je vous raconterai l'histoire sociale et culturelle de la ville de Québec de 1534 à 2008. Chaque séance de cours coûte 20$ et dure 2 heures. Ce tarif inclut thé et café à volonté et des biscuits. Si vous vous abonnez à la série complète de 4 cours, vous économiserez 10%. Pour plus d'informations, 418-906-6412 ou par courriel lestêtescurieuses@gmail.com. Situation Critique vous est présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, en nouveauté au Cinéma Le Clap, voyez Nitro Roche, la nouvelle vie de Paul Schneider. Nick Cave and the Bad Seeds présente One More Time with Feelings en 3D. La Reine Garçon. Sully. Et une histoire d'amour et de ténèbres. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, à Situation Critique, le film La Nouvelle Vie de Paul Schneider. Également, de Hollande et de la Belgique, Les Ardennes. Le film québécois Nitro Roche, suite de Nitro. Et le documentaire One More Time in Feeling sur Nick Cave.